Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, est, le ouvert, micro est ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Les chroniques d'Hubert Japelle. Qu'est-ce que la culture ? Alors, pour essayer de définir le sens du mot culture, commençons par citer Hannah Arendt. Toute discussion sur la culture doit, d'une manière ou d'une autre, prendre comme point de départ le phénomène de l'art. Cependant, dit-elle, si la culture et l'art sont étroitement liés, ils ne sont pas la même chose. La culture, mot et concept, est d'origine romaine. Le mot culture dérive du mot latin colère, cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver. Il renvoie primitivement au commerce de l'homme avec la nature et de l'entretien de la nature. Pour les Romains, le point essentiel fut donc toujours la connexion de la culture avec la nature. Et le mot culture signifiait originellement agriculture, avant d'en entendre l'utilisation aux choses de l'esprit et de l'intelligence. Cependant, le sens du mot culture ne se réduit pas à ces éléments strictement romains. Cicéron, par exemple, suggère la notion de goût, de sensibilité à la beauté, et non seulement chez les artistes qui créent de belles choses, mais aussi chez les spectateurs, chez ceux qui vivent au milieu de ces belles choses. Cet amour de la beauté, les Grecs la possédaient déjà bien sûr, et à un degré extraordinaire. En ce sens, nous comprenons par culture l'attitude, ou mieux, le mode de relation que les civilisations entretiennent avec les choses les moins utiles. Les œuvres des artistes, des poètes, des musiciens, des philosophes, etc. Selon le philosophe Edward Taylor, la culture, dit-il en 1871, la culture ou civilisation prise dans son sens ethnologique le plus étendu est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres habitudes acquises par les hommes en tant que membres de la société. Pour Émile Durkheim, en 1893, l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société forme un système déterminé. On peut parler de conscience collective commune, qui est donc tout autre chose que les consciences individuelles. Elle ne change pas à chaque génération, mais au contraire, elle relie les unes aux autres les générations successives. Pour Michel de Certeau, la culture est le patrimoine des œuvres à préserver, à répandre, et par rapport auquel on a à se situer. Et l'on doit y ajouter les créations et les créateurs qui ne cessent de renouveler, d'enrichir ce patrimoine. D'un petit génie de l'informatique, il s'est évadé de prison grâce à un courriel. Oui, ça se passe en Grande-Bretagne. Neil Moore est un jeune expert des réseaux informatiques. Il est suspecté d'avoir piraté des comptes bancaires et pour cela, il est détenu dans une prison du sud de Londres. Et là, eh bien, il a réussi à se procurer un smartphone. Bon, on sait que ça circule pas mal en prison. Une fois branché à l'internet mobile, avec ce smartphone, il a créé un site internet imitant celui de l'administration pénitentiaire. Et avec ce site à l'appui, il a envoyé envoyer un email au nom de l'administration depuis une fausse adresse, lui accordant tout simplement la liberté sous condition. Incroyable. Il était très crédible parce que les agents n'ont rien remarqué et Neil Moore a été libéré. L'histoire date de l'année dernière, elle se retrouve dans la presse. Et si la vérité a été découverte, c'est parce que Neil Moore, finalement, s'est rendu quelques jours plus tard en se rendant compte que finalement, ça serait plus compliqué que prévu de recommencer une nouvelle vie sous une fausse identité. La petite histoire ne dit pas comment il a été sanctionné à son retour de prison. On ne sait pas encore. Merci beaucoup, c'était Robin Cornet. On peut vous demander une petite lecture, un petit extrait quand même d'un des textes de Fernand Dumont, parce que c'est vrai qu'on le connaît peu, et on connaît peu sa prose et son style, et puis on a tellement envie de vous écouter. Mais oui. Alors, en deux mots, il était très très amoureux. Il a écrit pendant tout un mois de janvier en 1937, chaque jour, un poème à sa bien-aimée. Donc je vais vous lire le poème du 15 janvier 1937. Ce que j'ai sur le cœur, sur ce cœur nocturne qui ne commence à battre qu'à la première étoile, il faudrait avoir vécu d'interminables nuits pour le savoir et pour savoir s'en approcher, à pas de loup, avec la presque impossible douceur qui longerait le rêve au lieu de l'éveiller. Ce cœur de brute sans cœur que je suis, je dis que je n'ai pas de cœur. Il faudrait pourtant bien croire que ton visage en était la clé secrète que je croyais perdue pour toujours, tristement introuvable, comme toi. Comme toi, que j'ai trouvé un jour, au beau désert de mes images, plus vivante et plus splendidement rebelle que ce que je désespère de vivre à partir de toi. Mais vous voulez nous faire pleurer ou quoi ? On est bien. Non, allez, c'est pas triste. C'est sublime. Ah si, c'est triste. Oh non. C'est vrai ? Oh non. Pourquoi oh, c'est pas voyez de la lumière là-dedans ? Vous savez, un homme amoureux, c'est toujours triste. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Pas du tout. Être amoureux, c'est un état merveilleux. On peut passer par des moments de doute, mais c'est quand même un état fantastique. Mmh. C'est le printemps. Mieux que du pognon ? Du potiron ? Roico, encourageons les pauses. Certains n'ont pas attendu la fin des quotas laitiers. Ils n'en vivront pas les conséquences car ils ont choisi une autre voie. Exemple, à Neuchâteau, un éleveur bichonne désormais des bufflones et il produit de la mozzarella. Anne-Catherine Croufer. En hiver, la fabrication de la mozzarella se fait deux fois par semaine. Le lait du bufflone est conditionné d'abord en grosses plaques de fromage. Ah ben là, ça devient bon. C'est le filet qui compte là-dedans. Savoir juste le bon moment, elle devient collante. On y est. Lorsque le fromage est bien filant, il est ensuite passé dans cette machine à plus de 80 degrés. Et voilà les boules. Alors pourquoi celle-ci plutôt qu'une italienne ? L'impact CO2 est déjà moindre, les animaux sont sur place, donc je le fabrique ici sur place, c'est un produit de terroir. Il y a beaucoup de gens qui disent que la mozzarella n'a pas de goût, ça n'est rien, ça peut être facile à faire, non c'est très compliqué à faire. Patrick Cornelissen vivait auparavant de la production de lait. Au plus fort de la crise laitière en 2009, il arrivait à peine à en vivre, il change alors complètement de cap. Ce sont-elles les bufflones achetées dans le Cantal qui vont être le point de départ de sa reconversion. C'est son fils Sébastien qui s'en occupe. Il a appris sur le tas, le passage de la vache à la bufflone lui a simplifié la vie. C'est plus facile, c'est plus docile. Et il y a juste ce qu'il faut faire attention, c'est le comportement de troupeau. Donc quand on les lâche en prairie, s'il y en a une qui passe la clôture, ben, s'il y en a 30 avec, les 30 autres vont passer la clôture. Quoi. À la fois, il a corrigé beaucoup de visions qui étaient communes jusqu'alors, ou même il a complètement modifié la façon de regarder la peinture. Il y a jusqu'alors une histoire toscane de la peinture, et lui a dit, mais attendez, on ne peut pas ignorer ni Bologne, ni Turin, ni Milan, et on remonte jusqu'à Venise. Avec Vérone, Brescia, enfin tous ces centres qui ont développé des personnalités artistiques de premier ordre et chacune originale. Donc au fond, il n'a pas recentré l'histoire de la peinture, il a ouvert le champ en disant qu'elle était beaucoup plus diverse que ce qu'on avait dit jusqu'alors. Mmh. c'est parti pour un micro ouvert ici avec Juliette Roussel. Bonjour Gratiella. Voilà, moi j'avais envie de faire un micro ouvert avec toi parce que j'ai juste envie de le dire comme ça entre parenthèses. Hein, je fais beaucoup de rencontres comme ça dans le boulot, rencontrer les gens. Et je trouve que la première fois qu'on m'a parlé de Juliette Roussel, bon déjà j'avais un bon écho. Ah, Juliette Roussel. Et puis... quand je t'ai vue pour la première fois, tu as été très accueillante pour un projet, tout de suite à répondre, à faire les choses. Et j'avoue que c'est de nos jours, je sais que ça fait un petit peu rabat-joie comme ça, mais c'est au taquet, quoi, mais chouettement, voilà. Et j'avais envie de faire ça comme introduction. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai d'abord ou est-ce que c'est pas vrai? T'es une bosseuse, on dirait, non? Oui, une passionnée. Merci déjà pour ce compliment. Effectivement, j'essaie de répondre aux attentes. Ça me fait plaisir d'entendre des ondes positives comme ça. Merci, Gradiella. J'essaie, modestement, oui, de faire de mon mieux et d'être au taquet, comme tu dis. J'aime bien l'expression. Alors, on n'a pas encore précisé, mais tu travailles au service de la culture de Saint-Gilles. C'est là qu'on peut t'y trouver, oui. Dans ton bureau, oui. Tout en haut. Tout en haut de la maison Pellegrim, ce qui est situé rue de Parme, là où on est, là, 69 rue de Parme à Saint-Gilles. Et donc c'est le siège du service de la culture de l'administration communale de Saint-Gilles, donc pour le service public et pour tout le volet culturel. Et comment ça se fait que toi tu t'es retrouvée là à travailler au service de la culture? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a longtemps que tu es là d'abord au service de la culture? Oui, il y a déjà un bon moment pour tout dire, ça a commencé par un stage en 2003. Voilà, moi je suis arrivée à Bruxelles pour des études de gestion culturelle à l'ULB et puis dans ce cadre j'avais 3 stages à faire, j'en ai fait un au Botanique, un au Palais des Beaux-Arts de Mons et un à Saint-Gilles au service de la culture, ça m'a beaucoup plu, c'était en 2003 déjà, donc ça fait un petit paquet d'années. Ouais. Ça fait combien de temps ça fait combien de temps sérieusement Ça fait 12 ans, oui. Ça fait 12 ans, c'est déjà pas mal hein. Et... Maintenant, je n'ai pas été stagiaire jusqu'à maintenant. J'ai évolué dans mes missions. J'ai d'abord été stagiaire, puis Rosetta, puis CDD, puis chargée de projet au service de la culture. Puis j'ai fait un petit passage par le service presse de la commune. Puis ensuite, j'ai été amenée à diriger le service de la culture en 2006. Voilà, donc je dirige le service depuis 2006. Et c'est quoi exactement quand on dit qu'on dirige un service comme ça de la culture? C'est quoi ton travail précisément? Mon travail, c'est de coordonner un petit peu tout ce qui se fait dans les 3 infrastructures culturelles communales, dont la Maison Pellegrim se fait partie, et auxquelles on peut ajouter la Maison du Peuple et la Maison des Cultures depuis 2007. De coordonner aussi ce qui se fait en espace public qui est organisé par la commune ou en partenariat avec d'autres, Gradiella par exemple. Et puis de gérer l'équipe qui travaille à tout ça dans ces 3 maisons. Également coordonner les aspects de gestion de la bibliothèque communale francophone et son lien avec l'administration centrale, l'administration générale, de regarder un peu ce qui se fait au musée Horta, puisque c'est un musée qui est aidé financièrement par la commune, de également aussi regarder ce qui se fait au Centre culturel Jacques Franck, qui est un des leviers de la politique culturelle communale, et donc je fais partie du bureau du Jacques Franck, je suis représentante de la commune, pour avoir une concertation entre le Centre culturel et la commune de Saint-Gilles. Si je comprends bien, en fait, c'est comme si tu étais un peu la boss, la chef, appelons les choses comme elles sont. Oui, pour ce qui est fait en lien avec le service public, parce que pour moi, la culture à Saint-Gilles, c'est tellement plus large que ça. Il y a tout ce qui se fait par les privés, par les artistes, par les assos, tu vois, des initiatives comme la tienne, voilà, elles peuvent exister parfois même sans lien avec le service public. Donc oui, boss de la modeste partie culturelle communale, oui. Avec une équipe aussi, évidemment. Ah oui, avec une belle équipe qui est connue, je pense, pour avoir un esprit d'équipe assez fort. Voilà, des chouettes personnes, on appelle ça des gueules d'amour. Tous avec un caractère bien trempé, passionné par les missions du service de la culture qu'on essaie de réaliser. Bien que le contexte est un contexte d'une administration, donc avec des mécanismes et des rouages qui sont ce qu'ils sont. Et donc, chouette équipe, ouais, bien sûr. C'est le plaisir, d'ailleurs. Mais c'est quoi que tu dis quand tu dis gueule d'amour? J'avais jamais entendu. C'est quoi cette manière de parler? Mais c'est ça, c'est des tempéraments, des caractères, des identités qui composent une équipe variée, riche et variée, de tous bords, on va dire. C'est affectif, en fait. C'est une appellation qui existe depuis longtemps. C'était une exposition à l'origine, Gueule d'amour, qui représentait des hauts personnages de Bruxelles. Et voilà, on la garde entre nous pour dire qu'on est tous des gueules d'amour. C'est joli encore, hein. Et en fait, on est où ici exactement, Juliette ? Là, on est dans une des salles de la maison Pelgrims, cette maison d'un monsieur qui était pharmacien, monsieur Pelgrims, devant le parc Pierre Paulus et les anciennes écuries de monsieur Pelgrims qui sont maintenant notre cercle, lieu d'accueil du troisième âge. Une très belle maison, un écrin, un petit bijou comme ça, une petite pépite cachée entre la rue Hôtel des Monnaies et la rue de Parme. Un beau lieu, c'est notre petite bulle, ça. Mais la culture, tiens, moi, c'est ça aussi que j'aimerais te poser comme question. Ça, c'est quoi la culture pour toi, en fait ? Moi, je suis convaincue, je suis curieuse de nature. C'est un peu la sève pour moi. Disons que je me fane. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de découverte. Et donc, un monde sans culture, ce serait un monde sec et fané en noir et blanc. Donc c'est ça, c'est ma sève. C'est évidemment, on peut utiliser plein d'expressions. On appelle ça comme on veut, le vivant ensemble, la cohésion, c'est la rencontre, la richesse, c'est les mélanges, c'est ce qui s'entrechoque. Mais c'est un peu, pour moi, la sève. Et ça sert à quoi, la culture, au fond ? Ah, c'est un moyen, je ne sais pas si on peut dire ça. Pour moi, c'est une fin en soi. Donc, c'est faire des jolis projets qui permettent de se rencontrer, oui, d'apprendre. C'est très large, en fait. C'est un filtre. Moi, je vois tout en culture. Je ne sais pas si c'est clair de le dire comme ça, mais... Des exemples, peut-être, concrets, qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. C'est donner du plaisir, c'est donner du bonheur, c'est aller à la rencontre. Pour moi, chez quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est passer par sa culture et essayer de le connaître. C'est passer par ses spécificités. Tout ce que tu me diras, Graziella, c'est quelque chose que je ne sais pas. Tout ce que moi, je vais te dire, je le sais. Donc, j'ai plutôt envie d'écouter. C'est une attitude d'écoute vis-à-vis de l'autre. Pour moi, la culture, c'est oui, la sève, la magie, un petit peu aussi, un peu de poésie dans un monde et un contexte un peu glauque pour le moment. Et pourquoi tu dis ça ? Ah, parce que je vis quand même, je suis consciente du contexte, de l'actualité, des difficultés financières, que je me rends bien compte que parfois les choses sont vues uniquement sous l'angle de ce qu'elles peuvent rapporter financièrement ou de ce qu'elles peuvent générer comme inconvénient ou comme nécessité de prudence et que la culture peut sortir de ça. C'est un moyen d'aller vers autre chose que tous ces filtres de prudence, d'angoisse, de mesure, de sécurité, de potentiel, de ce que ça peut coûter, rapporter, générer. Et c'est tout le reste, en fait. Et tout le reste, pour moi, c'est tellement le meilleur. Je ne vivrai que pour le reste, moi. Donc, voilà, c'est ce qui permet d'accepter ce contexte. C'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas si tu m'entends ou si tu vois bien ce dont je parle. Bah oui, j'allais aussi aborder cette idée-là. C'est vrai que la culture... c'est pas forcément un produit, quoi. Voilà, un produit à vendre absolument. La culture, bah, comme tu disais, je trouvais ça beau. C'est aussi regarder l'autre qui est différent de moi et trouver des espaces pour se comprendre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que de nos jours, c'est un petit peu chaud tout ça, hein, tous ces rapports. Et surtout, je ne sais pas comment ça se passe à Saint-Gilles, mais il y a vraiment un mélange culturel assez énorme. Donc il y a véritablement un travail à faire là, non ? Clairement, on parle beaucoup de la spécificité de Saint-Gilles comme une commune qui réunit 140 nationalités avec une très forte densité et donc une commune un petit peu laboratoire comme ça de rencontres. Et pour que tout puisse avoir lieu sans repasser par ces filtres, je dirais, négatifs ou de prudence qu'on évoquait tout à l'heure, bah, c'est de travailler à la culture, à la rencontre, à la richesse, à la diversité, à la cohésion. Et ça passe par voilà, des actions culturelles, de l'action culturelle. Effectivement, oui, c'est chaud pour le moment. Il faut reconnaître, enfin, je lisais le titre d'une brochure que j'ai reçue par la poste, « La culture, c'est capital ». C'est vraiment vital. Donc, pour tout ça. Ça fait penser à un périgueux capitaliste aussi, ça pourrait être. C'est un jeu de mots, oui, clairement. Oui, oui, c'est comme ça que tu l'entendais ou bien... Oui, c'était un jeu de mots. Je pense que mais nos notions de culture et de capital peuvent être antithétiques ou pas. En tout cas, enfin, voilà, il faut aborder cette culture, il faut évoquer les richesses autres que les richesses financières. Il faut... parler, tu disais, de la création, de l'expression, de ce qui n'est pas un produit, de ce qui peut être une œuvre, de ce qui peut être sans comparaison, juste voilà, un souffle de création et ne pas en revenir toujours à une valeur étalon. Savourer ça. Et c'est le billet, le meilleur, c'est le billet culturel, pour utiliser le mot billet. D'accord. Un billet culturel. Un billet de papier, quoi. Non, un moyen. C'est le faire via la culture. Un vecteur. Je voulais l'entendre comme ça. C'était un petit jeu de mots sur le double sens à l'oreille. Et dans Saint-Gilles, est-ce que tu connais bien, toi, Juliette Roussel, Saint-Gilles? J'ai mon Saint-Gilles, c'est subjectif. Je suis maman à Saint-Gilles. Je suis habitante de Saint-Gilles. Je travaille à Saint-Gilles. Je vis à plusieurs heures dehors dans Saint-Gilles. Donc je connais Saint-Gilles, oui, depuis quelques années. Voilà, maintenant je connais probablement pas le même Saint-Gilles que toi, par exemple. C'est notamment tout l'enjeu qu'on pose avec le centre culturel et sa géographie subjective. Je te révèle un projet qu'on est en train de mener avec le centre et avec le CIFAS. On va faire travailler des auteurs, des artistes sur ça, sur la notion de qu'est-ce qu'est ton Saint-Gilles à toi et comment on pourrait traduire ça sur une carte. Ça déforme les espaces, en fait. Ça déforme... on ne parle plus de mètres, de valeurs superficie. C'est subjectif, mon Saint-Gilles. Le tien aussi. On a envie de le montrer et de l'évoquer, de le rencontrer. Mais c'est vrai que c'est très subjectif, mais il pourrait y avoir des zones où on est d'accord. Oui. Oui, là, c'est vrai qu'on est d'accord. Ça va être l'objet du travail avec le CIFAS. On va faire deux ateliers, un atelier avec des artistes et un atelier avec le public qui est public du CPAS. Comme je dis, ces deux publics vont être amenés à travailler avec l'artiste et à évoquer leur Saint-Gilles. Et ces deux ateliers vont être mis sur papier, sur une carte, et on va voir en quoi ça se ressemble. En quoi, qu'est-ce qui est commun? C'est un projet qui a déjà existé dans plusieurs villes, notamment Rennes ou Vieux-Condé en France, qui est connu pour sa politique culturelle et qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte que, voilà, qu'est-ce que sont les frontières de la perception dans le parcours géographique d'une commune de chacun et où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on se retrouve. Je suis sûre qu'il y aura plein de surprises issues de ces ateliers. On affichera ces cartes en format A0 dans les deux cours pour que les gens puissent se dire, tiens, est-ce que c'est Saint-Gilles ou non, est-ce que je retrouve moi ça, c'est quoi ça, c'est... Ah oui, ok. Je suis sûre qu'il y a des petits clins d'œil qui feront rire, d'autres qui poseront des questions et qui encourageront peut-être à passer des barrières psychologiques qui existent dans Saint-Gilles, même si c'est un tout petit territoire. Oui, là, j'ai retenu, tu dis que c'est des gens du CPS qui vont participer à ça? Oui, deux ateliers. Donc, il y aura un atelier avec des artistes. On va faire un appel au mois de mai, je crois. Il faudrait que je retrouve les dates précises où vous trouverez ça sur le site internet du service de la culture. Et il y aura un atelier avec les artistes et un atelier avec le public du CPS. L'idée, c'est de croiser, d'avoir deux lectures différentes, ou pas. Alors Saint-Gilles est connu aussi pour ses artistes. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Gilles. Et puis il y a eu aussi comme les quelques années qui sont passées. Là, il y a eu comme il y a le bas de Saint-Gilles, il y a le haut de Saint-Gilles. Enfin, moi, j'apprends aussi en discutant avec les gens. Et puis je l'ai connu un peu. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé en 2003. On disait tout à l'heure que ça faisait 12 ans que tu étais là. Tu as dû voir aussi un Saint-Gilles se transformer sur 12 années. Qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus? Effectivement, il y a beaucoup d'artistes. Bon, quel est le moyen de repérer ça ou d'essayer de l'étudier? C'est le parcours d'artiste. Clairement, c'est une biennale qui existe depuis 1988 à Saint-Gilles, qui a récemment été primée d'ailleurs par Visite Bruxelles. L'idée de la biennale parcours d'artiste, c'était d'ouvrir les ateliers d'artistes fortement représenté à Saint-Gilles en 88 déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des arrière-maisons, des ateliers d'artistes facilement accessibles dans cette commune. Maintenant, clairement, ça a changé. Moi, je n'ai pas connu les années 88, le parcours me précède. Mais on voit encore une forte présence d'artistes à Saint-Gilles. On en a compté, pour la biennale de 2014, 570. Alors on peut... 570 dans Saint-Gilles. Dans Saint-Gilles et dans Forêt, parce qu'en 2014, on s'est associé à la commune de Forêt. Mais on peut étudier ça, regarder qu'est-ce qui fait encore ce nombre d'artistes. Est-ce que c'est toujours de la présence d'ateliers ou est-ce que ce sont des artistes qui s'installent à Saint-Gilles et Forêt maintenant, juste pour l'occasion du parcours en mai? On a étudié, moi j'ai un peu, j'ai même beaucoup épluché les catalogues pour me rendre compte qu'on, tout doucement, on présentait, ça a été un phénomène parcours. D'abord, on réunissait clairement des ateliers qui étaient là, comme à Belleville, dans Paris, dans un quartier artistique où il y avait une forte présence d'ateliers, comme je le disais tout à l'heure. Puis, le phénomène parcours a fait parler de lui, clairement, parce que ça a amené énormément de monde pour visiter les ateliers, des marchands d'art, des gens qui venaient de loin faire presque leur shopping pour choisir l'artiste qui exposera ensuite dans leur galerie. Et du coup, des artistes se sont installés vraiment de façon éphémère dans des lieux qui n'étaient pas des ateliers à proprement parler. Et donc, on est arrivé jusque dans les années 2000 avec une moitié d'ateliers qui étaient sur les, on va dire, 200 ateliers environ, qui étaient des ateliers vraiment ateliers en tant que tel, espace de création d'un artiste qui y résidait, à une autre moitié qui était des commerces ou des voisins qui accueillaient un artiste pour l'occasion, parce que c'était le parcours d'artiste, il fallait en être, parce qu'il y avait vraiment une commune en ébullition pendant tout un mois. Et là, maintenant, on repasse, on va travailler cette notion-là, à comment mettre en valeur des ateliers d'artistes qui sont vraiment des ateliers d'artistes, des espaces de création artistique, parce qu'en fait... on peut regarder, hein, y a des vrais ateliers, il y a des lieux qui sont des lieux de création parce qu'on est dans une école comme Saint-Luc où on produit des artistes. On est dans des espaces où ça bosse, même si c'est pas en tant qu'artiste. Après, qu'est-ce qu'artiste aussi, la question, qu'est-ce qu'un artiste, la question de la biennale parcours artiste. Et là aussi, chaque biennale, on se demande, tiens, à qui est ouvert le parcours d'artiste ? Ben, c'est volontaire, c'est ouvert à tous ceux qui se déclarent artistes. Donc tu considères ici et là que le travail que tu fais en venant poser des questions, en bousculant, en évoquant certains propos, est un travail artistique, eh bien tu peux t'inscrire et dire, tiens, moi je vais présenter mon travail, mes capsules sonores, parce que ça c'est pour moi de l'art, et être évoqué pendant le parcours d'artiste l'année prochaine, pourquoi pas. Ça c'est ouvert, c'est ce qui fait l'identité du parcours d'artiste de Saint-Gilles, et ça c'est un truc, et maintenant Saint-Gilles et Forêt, qu'on a souhaité garder. Cette non-sélection volontaire, et donc c'est un petit peu aussi, parcours d'artiste, la photographie, de ce qu'on peut considérer comme artiste, si on veut, avec cette ouverture d'esprit. Et donc, clairement, depuis 88, on n'est plus dans la dimension purement art plastique du peintre, de celui qui va travailler le vitrail. Il y a ça, mais il y a aussi les nouvelles formes, le mix média, des artistes se présentent avec des noms de disciplines improbables. Enfin, moi, j'ai réuni une année tous les noms qui étaient mis, tous les mots qui étaient mis devant le champ discipline, d'ailleurs, quel mot. Dans la fiche d'inscription parcours d'artiste, il y a des aventures, c'est croquignolesque, quoi. Donc, c'est aussi ça, c'est constater, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en face de discipline ou du mot artiste pendant parcours d'artiste, mais c'est ouvert. Et donc, c'est fluctuant. Donc, voilà un peu ce qui fait la nature des ateliers ou des artistes qui sont présents dans la commune de Saint-Gilles. Ça bouge, c'est représenté, mis en valeur pour partie dans le cadre du parcours d'artiste Saint-Gilles-Forêt. C'est aussi mis en valeur dans le cadre d'autres projets. Il y a des artistes qui sont sur la commune de Saint-Gilles et qui ne sont pas dans le parcours d'artiste, qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont même pas l'information. Mais voilà, c'est en tout cas la petite photo qu'on peut faire du milieu artistique à Saint-Gilles. Oui, et puis ça me vient comme ça à l'esprit. On pourrait parler de qualité, quantité. Est-ce que c'est important de faire plein de choses ou bien est-ce que c'est important? Je donne limite la réponse là dans ma question. Mais c'est vrai que moi, j'aime toujours bien la qualité de quelque chose plutôt que d'en faire. Et au fond, on va pas dans les profondeurs, quoi. Oui. Ça te raconte quoi, ce que je viens de te dire? Oui, c'est une question qu'on a abordée souvent voilà, avec les années, avec l'expérience, et qu'on aborde encore. Moi, je trouve qu'on doit s'améliorer et entendre tout ça. La question de la sélection ou de la qualité se pose maintenant. Juliette, c'est pas la qualité. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par qualité. Mais c'est plutôt, oui, la qualité. Quantité, comme si... Enfin, moi, je le voyais comme ça, c'est-à-dire, on fait plein de choses. Et moi, je trouve que donner la parole à un maximum de gens, dans mon cas, c'est intéressant. On apprend plein de choses et parfois, faut pas toujours la donner aux mêmes gens non plus. Donc, voilà, il y aurait un panel comme ça ouvert à 360 degrés. Et en même temps, c'est intéressant aussi. Là, en l'occurrence, on prend le temps avec le micro parce qu'on rencontre vraiment l'autre, quoi. On fait pas de la pub en 5 minutes. Tu comprends la différence? Oui. Mais c'est un peu ça, en fait, d'aller visiter l'artiste dans son atelier, c'est le rencontrer. Et on n'est pas juste dans une expo d'une galerie ou quelque chose qu'on a formaté pour un espace. On va le voir dans sa, j'appelle ça sa bulle de création. On est sensible ou pas, on passe, on ose ou pas vite ressortir de l'atelier ou clairement passer du temps et parfois échanger une heure et demie avec un artiste sur sa façon de voir le monde, être surpris. Et qualité-quantité, justement, ce que ça permet, c'est d'être surpris parce que côte à côte, il y a des choses tout à fait différentes. Et c'est là, quand c'est pas lisse, que c'est intéressant. Et en étant ouvert, c'est pour moi ce que permet le parcours d'artiste. C'est ouvert à la surprise aussi et de croiser autant un photographe grand nom qui aura peut-être de toute façon pignon sur rue et de toute façon ses expos puisqu'il est, il a le CV. Mais qu'aussi quelqu'un qui va m'étonner par son propos et qui n'aura jamais été vu et qui pour une fois ose, pour un point de départ, juste ouvrir les portes de chez lui et peut-être voir quelle température il fait dehors. C'est passer du temps à ça, parcours d'artiste, et justement pas entrer dans cette notion de quantité ou d'efficacité. Non, c'est rester ouvert. Et la culture, Juliette, est-ce que ça peut changer les choses? Est-ce que la culture change les choses? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre que la culture, c'est inutile, au fond quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que la culture, ça peut changer Est-ce que ça peut... Comment? Dans le pouvoir, est-ce que, tu sais, le ministère de la Culture pourrait changer une certaine vision du monde, carrément, même au niveau politique, quoi, hein, du vivre ensemble, hein, je ne parle pas des partis, pourquoi pas des partis, mais c'est plutôt du vivre ensemble, quoi. Est-ce que la culture transforme les choses? Je crois clairement, sinon on ne déclarerait pas certains spectacles d'utilité publique. Je crois que la culture a ce potentiel-là. Enfin, sinon, je peux arrêter clairement le métier que je fais. J'en suis convaincue, moi, en fait, que c'est sa mission première. Elle peut être conçue comme inutile par certains. Mon job, en fait, mon quotidien, c'est de prouver le contraire. C'est de prouver sa fonction vitale, comme je disais au tout début de notre conversation. Clairement, elle peut changer les choses. C'est d'ailleurs le seul moyen de questionner les enjeux de société. Oui, heureusement qu'il y a cet espace-là, parce que sinon, on serait vraiment triste, pauvre, à l'intérieur de nous-mêmes, s'il n'y avait pas des espaces comme ça pour avoir du recul, parce que la culture, ça prend... Enfin, on peut prendre du recul, quoi. On n'est pas obligé de prendre les choses, comme tu disais, le monde il est un peu dur là en ce moment, mais est-ce que c'est pas fatigant de te retrouver toi à ton niveau et de parfois être incomprise? Bon, si ça tombe, t'es toujours bien comprise, hein, mais est-ce que ça doit pas être fatigant à certains moments donnés? Ah si, ça consomme, ça consume même parfois, c'est éreintant, mais bon, c'est des convictions. Mon engagement... Je ne suis pas politique, moi, mais je suis engagée pour ça. C'est essentiel. Il y a encore une cartographie qui existe, c'est la cartocrise qui a été faite par une association que je trouve intéressante en France, où on voit une carte de la France avec tous les lieux de culture qui se sont évaporés ou qui ont été arrêtés, des festivals qui ont été abandonnés, faute de moyens, faute de subsides. On voit ce qui se passe à Radio France aussi maintenant. C'est épuisant, mais plus que jamais. Moi, plus ça me fatigue, plus je me dis c'est que c'est important, il faut le faire. C'est essentiel. C'est essentiel, clairement. Oui, en plus, avec moins de sous, il y a eu ça cette année, 30% moins pour la culture. Oui. Vous l'avez ressenti dans... Ah oui, clairement, on le ressent. Je le ressens encore hier, je le ressens encore aujourd'hui, j'en ressens encore il y a une heure. Il y a moins de budget, on va passer par le facultatif pour faire des économies. Porter un projet culturel, c'est porter une charge des emplois, des infrastructures, des moyens. Maintenant, on a prouvé, ça a été dit et redit, il y en a qui l'ont fait avant moi, l'économie de la culture dégage énormément de bénéfices. Si on veut parler chiffres, vraiment, c'est pas mon... Bon, allez, je le fais quand même parce qu'il faut, mais... Ça déploie plus de bénéfices et de recettes que l'économie de l'automobile. Ça a été montré. On peut demander au réseau des différentes villes, Fribourg, Réseau 21, tout a été démontré. Des cas écoles comme Métropole Culture à Lille en 2004 ont prouvé, l'étude du CRISP le montre, que ça dégage même des bénéfices. Ce qu'il y a, c'est que c'est à l'encontre des visions court-termistes. Ça le fait sur quelques années. Il faut pouvoir accepter de passer du temps. Et la culture, c'est ça. C'est donner le temps. Faire en une heure et demie un spectacle qui, effectivement, pourrait être raccourci en une phrase d'un préjugé de deux secondes. C'est en ça que c'est essentiel et que même si c'est fatigant, il faut continuer à le faire. C'est passer du temps à expliquer tout l'enjeu, de prendre du temps pour éviter les raccourcis, en fait. Oui, c'est comme... moi, je fais un parallèle avec une jeunesse aussi, hein, une jeunesse qui est en crise, hein, on dit ça, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de travail pour demain, c'est compliqué. Avec ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, on souligne l'importance. C'est rigolo aussi, c'est comme s'il fallait attendre qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe pour souligner en fait toute l'importance qu'il y aurait à faire d'un travail en amont, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. Et c'est ça, c'est passer du temps. Effectivement, on peut évoquer... les enjeux, mais j'imagine, moi j'ai deux enfants, hein. Comment la difficulté à l'âge de l'adolescence de trouver un moteur quand on voit un contexte comme celui-là, avec une écologie comme celle-là, avec un filtre économique sur tout, avec un filtre de la performance. surtout, moi je vois des universités qui commencent à être pionnières dans la charte de la désexcellence. J'aime beaucoup ça, c'est dire, attends, deux secondes, on va arrêter de produire trois articles la minute pour être efficace dans le monde scientifique. On peut peut-être aussi se poser la question de... Bah, du temps passé, du contenu, je ne sais pas si tu as suivi ça. La jeunesse étant en crise, il faut par un petit peu de temps passé avec cette jeunesse, casser ses peurs, ses angoisses en fait. Mais je m'imagine en fait, puisque je ne suis pas à ta place. Voilà, c'est vrai que peut-être je ne suis pas à ta place, c'est sûr, mais j'aurais envie que tu... me fasse partager l'idée, bon ben voilà, j'ai un projet à... Tu te retrouves en face de tes collègues à une réunion, avec le pouvoir en place, je ne sais pas très bien comment ça se passe moi, et comment c'est vu ou comment c'est entendu si demain il y avait une idée comme ça de mettre un gros projet pour la jeunesse en place? Est-ce que... Enfin, moi, j'aurais tendance tout de suite à me dire, mais les portes s'ouvrent, évidemment. Il y a des projets à mettre en place pour cette jeunesse. Et encore, quand on parle des jeunes, il y a des jeunes privilégiés dans leur milieu. On va dire, enfin, il y a quelque chose de commun de toute façon. Hein. On vit dans le même monde, mais je veux dire, ceux qui sont déjà moins privilégiés, ben, ils s'en ramassent encore un peu plus, j'imagine. Donc voilà, ma question, c'est, je travaille dans un service de la culture. Il y a des projets à mettre en place. Est-ce qu'un projet pourrait être comme ça, facilement refusé, alors qu'il tient la route avec du concret, avec de la... Comment ça se passe, en fait? Comment ça se passe? C'est souvent des initiatives qui naissent de rencontres et qui sont censées, parce qu'elles ont un ancrage, une logique, comme tu le dis, tiens, j'ai envie de soutenir la jeunesse avec un projet... transversale, Printemps contre le racisme par exemple, développé par la cohésion sociale. Bon, voilà, cette rencontre s'opère entre une idée et quelqu'un qui a un poste à la commune et qui peut essayer de... C'est mon métier, c'est ça. C'est de mettre en œuvre cette idée et de faire en sorte que les moyens soient réunis, que le projet tienne la route, de récolter les autorisations nécessaires. Clairement, ça peut, si le job existe, c'est que ça peut être refusé. Et de le faire de la façon la plus sensée pour que les choses se réalisent. Un projet, une utopie, clairement, sans moyens, ne peut pas avoir lieu. Enfin, voilà, c'est un peu... Mais non, mais voilà, il y a plein de choses. Moi, mon travail de contorsionniste, c'est de dire, ok, t'as un projet. Où est-ce qu'un acteur de Saint-Gilles peut être intéressant aussi pour s'associer? Parce qu'il y en a énormément ici à Saint-Gilles. C'est une commune très, très densément occupée d'ASBL, d'initiatives privées, pas uniquement communales, en matière de culture et avec chacun des missions et des talents. Mais moi, je fais le lien. Je dis, tiens, cette association travaille avec les jeunes au quotidien et a vraiment un chouette propos qui fait écho à ce que tu dis, est-ce qu'on n'irait pas les voir? Et puis, en les voyant, tiens, et comment est-ce qu'on pourrait dégager un peu de moyens? Qui peut faire quoi à sa modeste échelle? Mettre ces moyens sur la table pour qu'ensemble, on arrive à le faire. Et puis, une fois que ceci tient la route, de le présenter au collège et de dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous... enfin, voilà, avec tout un argumentaire... Est-ce que vous trouvez que ça tient la route? Est-ce que ça peut obtenir une autorisation et avoir lieu dans une commune comme Saint-Gilles? Et voilà comment ça se passe un peu. Et c'est quoi la défense en priorité au service de la culture? Vous craquez pour quoi exactement? Comme projet, je parle par exemple de rencontres. Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, quoi? Ça dépend, si tu veux, c'est très long, mais je peux essayer de résumer. Le soutien aux artistes, ici, à la Maison Pellegrim, dans laquelle on est, on fait une fois par mois une exposition d'artistes. Et l'idée, c'est de leur mettre cet espace à disposition, de les promouvoir, qu'ils puissent ensuite développer leur travail. C'est une aide à la diffusion, parfois aussi quand on peut dégager un tout petit peu de possibilités financières, une aide à la production, on voit un peu selon les contextes, mais ça c'est ce qu'on a envie de soutenir à la Maison Pellegrim, ça elle est faite pour ça, il y a une permanence juridique et fiscale aussi pour artistes qui est faite ici avec l'avocat Pierre Jeanret. Qui permet de répondre aux questions que vivent les artistes. On a travaillé aussi avec le Guichet des Arts, ici, lors de Parcours d'artistes, pour faire des workshops sur la diffusion du travail artistique. Ça, c'est ce qu'on a envie de défendre dans la Maison Pellegrims. À la Maison du Peuple, on travaille en partenariat avec des associations, et notamment autour de la musique. Et tu les connais peut-être, c'est Musique Publique, le tango, c'est en gros des rencontres, comme j'évoquais tout à l'heure, ce que permet la culture, des rencontres entre les gens par la musique, en fait. C'est vraiment basique, avec un accès hyper facilité. Si c'est pas gratuit, bah c'est à tarif ultra accessible, article 27, le max, maximum possible. Voilà, ça c'est pour la Maison du Peuple. Et alors à la Maison des Cultures, on a un petit peu de marge de manœuvre supplémentaire, dans la mesure où on est soutenu par la COCOF, pour un volet de rencontre des cultures, où là aussi, c'est de permettre le croisement et, entre les différentes cultures. Aussi travailler au soutien des artistes et des compagnies via des résidences, ce qui est assez rare dans Bruxelles. Et donc ça, c'est ce qui nous botte, c'est ce qui va nous faire dire, tiens, là, il y a quelque chose à faire, ça pourrait être une résidence, une compagnie qui est en train de travailler la mise en lumière de son spectacle, mais qui n'a pas les moyens de s'offrir un studio pendant une semaine, bah, va être soutenue à la Maison des Cultures dans une salle de spectacle équipée, va pouvoir passer une semaine à bosser le truc. Ça, c'est ce qui nous botte. En gros, c'est d'être un petit peu un facilitateur au projet créatif, à l'expression de ces projets. C'est ce qui nous botte, pour résumer. Après, bon, il y a le parcours d'artiste, il y a la fête de la musique aussi. Quand on travaille l'espace public pour le service de la culture, c'est surtout cet espace-là. Il y en a peu, trop peu. C'est de pouvoir faire de la musique en espace public et de faire jouer des groupes sur une place comme la place Marie-Janson. Ça nous botte, ça nous éclate, parce qu'on sent qu'il y a une demande incroyable, qu'il y a plein de musiciens dans Saint-Gilles et qu'ils n'ont, pour ainsi dire, qu'une date en extérieur, qui est celle-là, la fête de la musique. Sinon après, c'est quelques possibilités de programmation au centre culturel ou à la Maison des Cultures dans les concerts qu'on fait avec la Radio Alma, une autre radio que tu connais, j'imagine. Sur Saint-Gilles, hein. Voilà. Et donc ça nous botte aussi. Bien. On boit un petit coup. Ouais. Quand tu parles d'utopie, attends, il faut que je me rappelle le tu disais d'utopie sans moyens. C'est ça que tu as parlé tantôt, tu te souviens ou... Je disais que voilà, je faisais cette contorsionniste entre l'idée et l'action, entre le projet et l'événement. Ou ce qui se passe ensuite sur le terrain. Parce que j'ai une utopie. Enfin, moi, je me rends compte, par exemple, bon, on discute, on échange, hein, mais que si tu es libre, bon, évidemment, il faut de l'argent pour se nourrir, il faut une base, évidemment, mais ça peut te rendre très libre aussi de faire ce que tu aimes, sans chercher à tout prix à être reconnu par le biais de l'argent. Tu vas me dire, mais oui, mais c'est un peu énorme ce que tu me racontes, Grazella. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Juliette Roussel fait signe que non. C'est que... soit. Voilà, il faut, dans le cadre de mes missions, rendre les choses possibles. Et donc, c'est vrai que moi, je traduis des projets, parfois des idées, des simples idées, en mettant en lien les personnes, en allant travailler à des budgets prévisionnels, en regardant, tiens, ça c'est réaliste, ça c'est pas réaliste du tout, ça c'est juste possible parce qu'on récupérerait du matériel chez l'un, chez l'autre. C'est de rendre ça possible et transposable sur le terrain, parce que je travaille pour le service public et qu'il faut à un moment donné que ça soit libellé, autorisé, entrer dans un cadre. Voilà, maintenant, il y a peut-être possibilité de le faire autrement, de passer juste de l'idée à une tentative qui ne serait pas autorisée. Et là, c'est autre chose. Ça, c'est pas mon métier. Oui, toi, tu travailles dans un cadre, quoi. Voilà, tu ne peux pas, faire une surprise à la commune, par exemple, qu'ils apprennent qu'il y a eu un événement. Tu ne peux pas faire de surprise, quoi. Non, moi, je travaille pour la commune de Saint-Gilles, et donc, dans ce cadre-là. C'est souvent encore des belles possibilités, des beaux potentiels de rêve général, et tout ça n'est pas antinomique. On arrive quand même à avoir des belles réalisations, des belles étincelles, des beaux sourires aux lèvres, et le supplément d'âme d'un lieu de vie et culturel, pour moi, on ne vient pas pour un tarif de rodateur, s'installer dans une commune, on vient parce qu'on s'y sent bien, on a des surprises, des rencontres, et c'est la culture. Et tiens, on pourrait peut-être terminer là-dessus, mais ton rêve, en fait, si tu pouvais rêver vraiment sans commencer à réfléchir si c'est possible ou pas, ce serait le quoi du top pour toi ? Dans ton métier, que tout se passe bien, que tout circule bien, enfin, ce serait quoi Mon rêve, mon métier, ça c'est une grande question. Mais si tu pouvais installer vraiment les choses, bah avec une équipe évidemment, avec des gens, on fait jamais les choses tout seul, hein, mais... Peut-être pouvoir travailler la nuit, prendre du temps pour prendre du recul, et anticiper les choses plus en amont, être moins dans l'urgence et dans les questions de survie, être dans le... En fait, mon rêve, ce serait de pouvoir rêver plus. Voilà, d'étirer l'espace-temps, de pouvoir répondre et satisfaire le plus d'artistes, d'associations qui viennent avec des projets... Oui, voilà, étirer cet espace-temps et pouvoir offrir à chacun tiens, le temps d'en parler, d'évoquer et de mettre en œuvre tous les projets. Et quand tu parlais, là, j'ai pas compris, tu parlais de travailler la nuit, c'est ça que tu as dit ? Oui, ce serait bien si je pouvais me dédoubler ou ne pas avoir besoin de dormir, ce serait chouette. Je pourrais, je suis sûre, passer encore plein de temps sur ce métier qui me passionne. Voilà, dédoubler mes journées, en fait, ça, ce serait chouette. Oui, ou alors prendre plus de temps pour penser les choses, pour les rêver, parce que sinon, si tu travailles la nuit et le jour, mais ça ne va pas aller. Hein, il faut à un moment donné, tu n'auras plus du tout de recul. Oui, clairement, c'est ça, c'était le rêve, hein, ça reste ça, c'est d'étirer ce temps. J'ai entendu un projet comme ça, je ne sais plus dans quel pays asiatique, je n'ai pas retenu, mais une librairie qui prenait l'initiative d'ouvrir la nuit. C'est même plus qu'une librairie, donc c'est c'est une librairie. Ils vendent que des bouquins, et donc c'est ouvert 24/24. Et enfin, j'ai lu ce reportage là, je me disais allez, c'est quand même incroyable parce que la nuit, c'est quand même une atmosphère particulière. Tu lis ton bouquin, il y a pas mal de gens qui bouquinent comme ça, et puis s'en vont au petit matin. C'est particulier comme projet. C'est culturel en même temps. On a fait une très belle expérience la nuit avec Sabrina Montiel-Soto qui est venue passer 19 nuits ici, pendant lesquelles elle a invité chaque nuit une personne différente à rêver dans la maison Pelgrims et à étudier les résultats du rêve. Et voilà, on questionne finalement le jour en interrogeant la nuit. Chouette, ouais, j'aimerais bien aller dans cette librairie. Et quoi, c'est un projet qui a eu lieu, là ? Et qui... c'était il y a longtemps ? Non, c'était en novembre. Très, très beau projet. Elle a invité un psychanalyste, un détective, un artiste, une doula, une analyste, des métiers vraiment très divers et variés, autant d'hommes que femmes, enfin quasi. Et leur a fait faire tout un protocole, en fait. Et chacun a passé une nuit ici, à la Maison Pelgrims, a choisi sa pièce de la maison et a vécu ça comme une expérience enrichissante. Il y a des chouettes choses qui se sont passées. Quoi, il y a des traces, il y a des références, il y a moyen de retrouver ça ? Oui, allez sur le site de Sabrina Montiel-Soto, c'est magique. C'est combien ? Elle appelait ça « Soñé que dormía ». Je rêvais que je dormais. Très beau projet. Ça a l'air joli. Les mots de la fin. Juliette Roussel travaille au service de la culture. Eh bien, je remercie Graziella et les gens comme toi qui donnent la parole à la culture. Pas moi particulièrement, parce que moi je suis une petite, un petit rouage du mécanisme. Mais, un chouette rouage. C'est important, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Allez, merci. Mais c'est important, c'est pour garder l'image, c'est moteur. Et sans quoi, il n'y a plus de feu sacré, il n'y a plus de sève. Donc continuez à donner la parole à la culture, à donner du temps, à croire au projet. Tous les ateliers qui ont lieu, qui ne se voient pas sur des dossiers écrits ou qui ne se monnayent pas en argent sonnant et trébuchant, sont essentiels, sont cruciaux. Continuez à leur donner un petit temps d'expression, la liberté d'expression. Chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés pour détourner l'attention nos sexes souillés, mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. Mais du noir, du bleu pour barbouiller nos yeux, pour faire croire, même si c'est faux, qu'aujourd'hui on va mieux. On boit, on mange entre copains pour parler de nos habitudes, celle d'hier, celle de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre, essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, joie répétitive, ça veut nous rassurer. On embrasse tour à tour des garçons et des filles, car pour nous tout ce qui compte c'est voir des yeux qui brillent. Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour. On accepte de ramper le regard effacé, la bouche qui veut vomir notre amour ravalé. On pense à cette fois parfaite où on a tout gâché, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé.